L'Algérie coloniale. Raphaël Lewandowski, Rafik Zemine. La guerre d'Algérie a longtemps été qualifiée d'événement, d'affaire interne ou encore d'opération de pacification par les autorités françaises. Pour les Algériens, elle a été et elle continue d'être un soulèvement armé, une révolution, une guerre de libération nationale. Dans tous les cas, la date de son déclenchement est fixée au 1er novembre 1954. Sa fin, il y a tout juste 60 ans. Ceux qui peuvent aujourd'hui nous raconter ce conflit et nous en transmettre la mémoire sont de moins en moins nombreux. Dans cette série documentaire en 4 épisodes, nous avons entrepris de leur donner la parole. Et nous avons délibérément choisi de nous intéresser à un point de vue, le moins connu en France, celui des Algériens. Dans bien des cas, ces femmes et ces hommes n'avaient jamais, ou presque, témoigné publiquement de leur expérience de cette guerre. La dernière guerre coloniale française, la fin d'un empire. J'ai accepté de parler parce que... Slimane Zeghidour, né en Kabylie en 1953. Comme je viens d'un milieu illettré, qui vivait dans une vieille terre de civilisation, comme tout mon univers a disparu en 7 ans de guerre, a disparu un mode de vie, de croyances, d'images, de superstitions, de charades, de contes, de proverbes, de boutades, une langue tout entière, des marabouts, des esprits, tout ça a disparu. Modestement, je raconte juste, et je ne suis pas le porte-parole de personne, je raconte ma vie. Et peut-être qu'à travers moi, ça ne me déplairait pas. Ça ne me déplairait pas qu'on dise que dans le récit personnel, intime, intimiste de Slimane Zeghidour, nous découvrons un pan de toute une vie rurale algérienne que personne n'a jamais jugé digne d'intérêt pour qu'elle puisse figurer dans les annales de l'historiographie algérienne ou française. À quoi ressemblait l'Algérie avant le 1er novembre 1954 ? Qui peuplait ces territoires immenses dont les paysages et les modes de vie étaient tellement variés ? Quelles étaient les réalités sociales et culturelles des départements français qui la composaient alors ? En ce début des années 50, l'Algérie comptait 9 millions d'habitants. L'immense majorité, c'est-à-dire 8 millions d'entre eux, étaient ceux que les autorités coloniales avaient pendant très longtemps appelés les indigènes, puis les Français musulmans d'Algérie. Comme Slimane, ils étaient surtout originaires du bled, c'est-à-dire de toutes les zones géographiques qui se trouvaient à l'écart des grandes villes. Je suis né dans un hameau qui s'appelle l'Ouelja, qui veut dire dans l'arabe algérien la boucle d'un oued, d'une rivière. Je suis né dans une meshta qui est surélevée, qui s'appelle l'Ouelja. Et le meshta en arabe nord-africain, ça veut dire l'hivernage. Autrement dit, en été, nous descendions au bord de l'oued pour l'eau, pour les troupeaux, la végétation, l'herbe et les feuillages. Et l'hiver, nous montions dans le hameau d'El-Ouelja. Donc il y avait 2 El-Ouelja, un pour l'été et un pour l'hiver. L'hiver, c'est la meshta, donc l'hivernage, nous montions là-haut, dans cette région, la petite Kabylie. Chaque hameau rassemble les gens d'une seule et même famille portant le même patronyme. Comme si c'était une patrie, une petite république, comme si c'était une maison à ciel ouvert, avec un très très fort attachement à la glèbe. Si bien que les gens des autres villages apparaissent ou m'apparaissaient comme des étrangers. La région où je suis né, c'est un plateau, il s'appelle le plateau des Aurès. Messaoud Kafi. Le sud-ouest algérien. Je suis né le 2 septembre 1943. C'était en pleine guerre mondiale. Ma mère a accouché toute seule. Le seul assistant qu'elle avait, c'était mon grand-père. Et c'est lui qui a coupé le cordon au Bémiquel. Dans une société patriarcale, en plein montagne, il y avait des tribus. Et les gens étaient composés par alliance. Ils ne disent pas « mon cousin », ils disent « mon bras ». Les gens, plus ils sont nombreux, plus ils sont costauds, plus ils sont respectés. Un monsieur qui a plusieurs mâles, enfin mâles, il était respecté. Et celui qui n'a que deux filles, il était méprisé. Puis il y avait des règles établies depuis des millénaires qu'il fallait respecter. Un enfant naturel était rejeté. Et puis l'adultère était condamné à mort. Voilà, c'était ça la société dans laquelle je suis né. Et la vision des mondes se limitait à notre tribu. Il y avait beaucoup d'alliances entre les uns et les autres, des alliances de sang. Et voilà, la société, c'était celle-là. Zineb Boudjelal, 99 ans. Mon père travaillait pour son propre compte. On plantait, on récoltait, on pilait. C'était ça notre travail. On semait l'orge, le blé, on élevait les bêtes, on avait des bourricots, des ânes, des vaches, des moutons, chacun son bétail. Le propre de la topographie chez nous, c'est que tout est pentu, tout est en pente. Donc on ne peut pas labourer, il y a beaucoup d'érosion, c'est un sol schisteux avec du sel, donc il n'y a que de l'orge qui pousse. Et comme arbre, il y a les glands, il y a les figuiers, les grenadiers et le raisin. C'est tout ce que nous avions comme arbre fruitier. Nous cultivions des fèves, parce que la fève, c'est un légume qui nous accompagnait toute l'année, parce qu'on pouvait le faire sécher, comme les figues, ou comme la viande d'agneau qu'on fait sécher après l'avoir truffée de sel. Donc c'est tout ce qu'il y avait comme agriculture. Donc c'était une nourriture extrêmement frugale, galette à midi, couscous le soir. Donc mon père, enfant, était berger. Et quand il a grandi, il labourait, cultivait l'orge avec son père. Je me souviens sur la carte d'identité française de mon père, c'était marqué cultivateur. C'était la qualité professionnelle qu'il donnait à tous les paysans algériens. Cultivateur, ça donnait une sorte de prestance comme ça, cultivateur. Mais en fait, il grattait la terre et il survivait avec cela. Mon père était paysan et n'avait rien. Abdellah Bouraoui, né en 1936. Il était agriculteur. On avait une terre, mais pas grande. Il prenait des parts chez les gens où il louait. J'ai 11 frères et sœurs. J'étais le plus jeune. Mes grands frères travaillaient dans les olives, dans l'agriculture. Ils cultivaient leurs propres terres. Ils n'étaient pas employés chez d'autres. Ils louaient des terres. Mon père louait la terre et il la travaillait. On avait quelques chèvres, des vaches, on avait des ânes, on avait des mules. C'était notre vie quotidienne avant la guerre. Malgré son très ancien renom de fertilité, l'Algérie compte encore de vastes étendues de terre, desséchées et incultes. En maintes régions, ce pays où certains auteurs de l'Antiquité ont voulu situer le fabuleux jardin des Hespérides offre un aspect absolument désolé. L'Algérie, en effet, est un pays pauvre. Grande comme 35 départements français, peuplée comme 18, l'Algérie dispose à peine des ressources de 3 de ses départements. D'immenses territoires sont cultivés à peu près exclusivement en céréales, avec des moyens rudimentaires. La charrue ancestrale a beaucoup de mal à gratter le sol pour le rendre meuble, alors qu'ici il faudrait au contraire le fouiller profondément pour l'aérer et le fertiliser. blé indigène, court et rare, que les moissonneurs coupent à la faucille, comme dans l'Antiquité, est loin ici d'évoquer l'aisance et la prospérité. La récolte est maigre, insuffisante même pour les besoins des petits fermiers. Et bien des cahutes délabrées dénoncent cette pauvreté. Bon, il y avait la maison familiale, en fonction du nombre d'enfants, des fois on a une maison à côté. À côté, il y a une petite maison où on mettait les provisions. Djilali Leguima, né à Tizi Ouzou en 1931. Mais la grande maison, c'est la grande maison là où vivaient tous les enfants, les parents et tout, et qu'on partageait avec les bœufs. Et on le construisait nous-mêmes, hein. Il n'y a aucun plan d'architecture. Hein. Et parfois, il est recouvert de terre, et quand parfois il a trop plu, il y a de l'eau qui s'infiltre dans la terre et elle arrive à l'intérieur, et à force, ça devient une boue, elle s'écroule. Il y en a beaucoup qui sont morts, étouffés par l'écroulement de leur maison. Hein. Parce que, vous savez, le plafond était constitué de branches de genévrier. Donc, il y a un manque de solidité. Hein. Et parfois, la maison, elle s'écroule. Hein. Vous savez, les gens faisaient beaucoup d'enfants et tout le monde dormait dans la même pièce. Et on mourait beaucoup. Parce qu'il y avait un manque d'hygiène, un manque de soins. La sélection naturelle était très, très féroce. Hein. Il y en a, par exemple, ils font 5-6 gosses et là, il ne survit que 2 ou 3. À l'époque, il y avait un manque de produits d'hygiène. Eh bien, ils fabriquaient du savon. Avec la base, évidemment, de la cendre, d'abord. Ils faisaient des collectes. Quand ils rassemblaient ces collectes et cendres, évidemment, ils versaient de l'eau pour obtenir de la potasse. Alors, avec cette potasse, il la mélange avec de l'huile d'olive. Il le met sur un four et il mélange pendant 7-8 heures. Eh bien, ils obtiennent un produit solide. Il solidifie, évidemment, avec ce mélange. Il devient une pâte, mais c'est du savon qu'on utilisait beaucoup à l'époque. Surtout, il y avait pénurie de produits d'hygiène à l'époque. À 15 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai aidé mon frère, évidemment, pour la culture, pour les labours, pour les champs. Et je faisais un peu de commerce ambulant. Parce qu'il nous faut travailler la terre, mais il faut un peu de moyens pour être face à d'autres achats. Parce que ce qu'on récoltait à l'époque, du blé ou de l'orge, il y avait, si vous voulez, l'autosuffisance, mais il y avait de l'huile, par exemple, mais le reste, on l'achetait. Bah, on n'achetait pas beaucoup, mais on achetait du pétrole pour allumer, on achetait du sel, on achetait des allumettes, on avait ceux qui fumaient, évidemment, achetaient du tabac ou des chiquets. Il y avait des années où il n'y avait rien à manger. Je rentrais le soir, ma mère n'avait rien préparé à manger, et il y avait des familles, ils mettaient des cailloux dans la marmite, ils faisaient croire aux enfants que la nourriture est en train de cuire. Et les enfants criaient famine, on a faim, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, ils s'endorment. Et après, ils jettent l'eau, ils jettent les cailloux. Alors, il y avait la famine, il y avait le criquet. Le criquet, c'était la sauterelle qui mangeait tout sur son passage. Et les familles étaient disloquées. Chacun est parti de son côté. Et celui qui n'est pas costaud pour se défendre, eh bien, il était mangé par les autres. Il y avait les femmes qui se sont, on appelle ça la grotte, des cannibales, ce sont les femmes qui se sont groupées dans une grotte et elles attendaient si quelqu'un passait à leur portée, elles se jetaient par-dessus pour le manger. Au lendemain de la conquête de l'Algérie par la France, en 1830, le système colonial a désorganisé à son profit les sociétés traditionnelles locales ainsi que leur économie. La France se justifiait en se vantant d'apporter en Algérie la civilisation. Mais un siècle plus tard, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la réalité quotidienne d'une immense majorité d'Algériens en était toujours bien éloignée. Dans cette épreuve de retrouver ce qu'a été ma vie, l'Algérie dans laquelle j'ai grandi, j'ai un souci obsessionnel de restituer les choses comme elles étaient, avec le moins de pollution possible, même inconsciente, de cette époque. Non, il n'y avait ni école, ni route, ni électricité, ni médecin, ni transistor, ni absolument rien du tout. Le souvenir que j'ai, c'est que nous avions une vie normale. Et vu la beauté de la nature, et moi, par tempérament, par je ne sais quoi, j'ai toujours, très très tôt, eu un sentiment de joie d'exister dans la nature. On était né pour devenir quelque chose, et moi j'étais né pour devenir berger, à l'instar de nombreux cousins. Et moi, mon troupeau, c'était 20 chèvres, 30 chèvres. Ah, mes chèvres, et j'avais qu'elles. Mes chèvres, je m'arrangeais pour les amener là où il y a de l'herbe. Quand il y en a, après je les abreuvais. Et puis voilà, sinon mes chèvres, je les traitais bien. Et j'avais qu'elles, c'était ma vie. Je les regardais, plus elles sont nombreuses, plus j'étais content. En général, je marchais pieds nus. Et là, c'était un grand luxe, mais mes pieds n'ont pas l'habitude d'être chaussés. J'avais mal aux pieds. Je préfère marcher pieds nus. Et il y avait des cailloux très pointus, et parfois, on se blessait quand on marchait pieds nus. Pour ces enfants aux pieds nus, qui peuplaient les montagnes arides et escarpées de Kabylie ou des Aurès, elle représentait quoi la France ? Et les Français ? Qui étaient-ils à leurs yeux exactement ? La relation avec la France, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des bonnes sœurs qui sont venues nous vacciner. J'ignore contre quelle maladie. Mais en tous les cas, le premier contact, c'était celui-là. Avec des bonnes sœurs, elles étaient très gentilles. Je dois avoir dans les 6-7 ans par là. Donc, je les ai vus manger des biscuits. J'ai vu des biscuits pour la première fois de ma vie. Il n'y avait pas de piste. Elles sont venues sur des animaux, sur des mules, des ânes. Et elles vaccinaient les gens. Elles faisaient la tournée. La tournée des douars, ce qu'on appelait les douars des tribus, pour vacciner les jeunes contre des maladies. Voilà, mais le français, je vous dis, c'est limité donc à ces bonnes sœurs. Là, après, je n'ai pas revu d'autres jusqu'à l'âge de 11 ans. On vivait sans se mélanger à la France, mais elle était dure avec nous. Le caïd et l'administrateur, quand ils passaient et que le chef du douar faisait quelque chose, ils se retrouvaient dans le pétrin. C'est ça. Nous, on avait un gaouri, un Français, à côté de chez nous. Il s'appelait Michel. Il a pris la région des Hammamra. Nous, on est des Hammamra. Il a pris notre terre et après, il l'a cultivée. Il était impitoyable. Si une chèvre ou une brebis entrait sur ses terres, il déposait plainte contre nous. Et le propriétaire de la chèvre allait en prison et payait une pénalité. On payait pour la terre, on payait pour la maison, on payait pour l'âtre et on payait pour la barbe de l'homme. Même pour sa barbe, il payait une pénalité. Terrible. L'injustice qu'on subissait à l'époque. Et la France ne laissait pas le village à l'abandon. Elle mettait un surveillant. Chaque quartier avait son surveillant. Et on avait des colons au village. Nous, on était au bourg, à 2 kilomètres à peu près du village. Et les colons traînaient au village. Ils parlaient l'arabe aussi bien que les arabes. Ils vivaient avec les arabes. Ils mangeaient la galette avec les Arabes. Ils allaient dans les maisons des Arabes. Et la Rouche, c'est là où on allait faire nos courses. Le plus grand village, le plus grand marché, chaque vendredi. Les commerçants venaient de loin. Ils y vendaient des moutons, des vaches, du blé, toutes sortes de denrées. Il n'y avait pas de militaires chez nous. Il y avait que les colons et les gendarmes. Avant la guerre, il n'y avait pas de militaires ici, à Skikda. Mais moi, j'étais jeune. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de militaires ici, à Skikda. Il y avait le caïd. Ses enfants étaient bien habillés, ils avaient des chaussures, etc. Je les ai vus. Je regardais, je me disais, tiens, ceux-là, ils sont bien... Ils doivent manger à leur faim. Il y avait un robinet d'eau, je ne savais pas comment qu'on l'ouvrait. Et puis il y avait le collège, ce qu'on appelait le collège. C'était où les enfants du caïd allaient aller à cette école-là. Et lui, c'est l'administrateur des communes mixtes. 8 communes étaient regroupées donc, à l'arrondissement où il était. Il était escorté par des indigènes, hein, des gens qui étaient à son service, armés. Et quand il passait par là, il fallait les accueillir, il fallait leur préparer la fête pour les gens qui ont les moyens, etc. Ils dormaient là. Dans ce hameau, c'était un petit peu, il y avait un endroit où on jouait, qu'on appelait Tejmat. On se rassemblait là-bas, et évidemment, on jouait là-bas. Et il y a des moments où on se retrouvait avec des personnes âgées. On les écoutait à l'époque, parler bien sûr de la misère, et nous parler beaucoup plus de ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils ont vécu en France, de ce qu'ils ont vécu en Algérie, dans les grandes villes, particulièrement Alger, parce que la Kabylie était pas loin d'Alger, donc beaucoup venaient travailler à Alger et revenaient au village. Et d'autres travaillaient en France, ils venaient là-bas. Quand on voyait ses aînés, évidemment, quand ils rentraient, ils nous parlaient de la vie d'Alger, ils nous parlaient de la vie en France, etc. Et on nous racontait qu'on est dominé par des gens qui ne sont pas musulmans. Alors, au lieu de dire, ils disaient des mécréants, le kuffar. Alors qu'un mécréant, c'est un athée. Et que beaucoup d'injustices sont commises dans les villes, dans les grandes villes. Que des terriens musulmans sont expropriés au profit des concurrents. On n'allait pas à l'école. Les enfants n'allaient pas à l'école. Mouloud Larèche, né en 1934. Il y avait très peu de gens dynamiques qui envoyaient leurs enfants à l'école. Mon père avait 14 enfants, et de tous, j'étais le seul à aller à l'école. Il m'a envoyé étudier dans une sorte de gourbi. Il y avait des gourbis avant, et on y étudiait sur des ardoises pour apprendre le Coran. On étudiait que le Coran. C'était ça, étudier pour nous. Les écoles, ils sont loin du lieu des villages. Moi, j'étais pas loin, j'étais à un kilomètre du village, mais il y avait d'autres villageois, des écoliers qui venaient 5-6 kilomètres, hiver qu'on mettait, neige ou pluie, ils affrontaient toutes les intempéries, mais ils venaient à l'école. Et pendant tout ce temps-là, il y a un manque de nourriture, il y avait un manque d'habillement, il n'y avait pas d'habillement, les gens vivaient difficilement, il y avait une misère atroce. Et à l'époque, on commençait le matin à 8h jusqu'à midi, et de 1h jusqu'à 4h. Bien, le matin, on avait l'école coranique. Ben, l'école coranique, on rentrait là-bas, évidemment, on allait à l'école coranique à l'âge de 7 ans. On avait le matin 1h et l'après-midi 1h. On avait évidemment un cheikh à l'époque qui est payé par le village. La France ne payait pas les écoles coraniques. Le cheikh vivait, si vous voulez, de ce que la population lui donnait, par exemple pendant les fêtes, pendant les décès. Des gens, évidemment, les aidaient le cheikh, lui donnait, chacun donnait quelque chose. Il vivait, si vous voulez, de ça. Il s'habillait de ça. Évidemment, il y avait une amitié, je dirais, par exemple, à l'époque, on partageait la ration qu'on avait sur le morceau de galette, on est arrivé plusieurs fois de le partager, les machins, les figues qu'on avait dans une poche, et parce qu'il y avait un besoin vraiment, et ben on s'est partagé entre nous, à 2-3 écoliers, par exemple, il y avait quand même cette solidarité de jeunes à l'époque, on était sensibles, il y avait cette sensibilité qui était là. Mais la misère, elle était générale. Hein. Enfin, la misère est relative. Areski, maîtresse, né en 1952. Plus pauvre et plus riche que soi. Hein. On a baigné dans un milieu plutôt pauvre, quoi. C'est évident. Hein. Et la pauvreté était identifiée aux colonisés, c'est clair. Hein. C'est-à-dire le rapport colonial produisait un rapport de domination au détriment des colonisés. On sentait que être algérien, c'est être pauvre. Le colonialisme a fait le choix de cette discrimination. Ali Aghouni, né à Rouiba en 1938. L'Algérien, il n'est même pas considéré comme Algérien. Les Algériens qui vivaient en ce temps-là, ils travaillaient dans des fermes, du lever du soleil au coucher du soleil, pour un salaire de minable. Donc le colonialisme a fait du mal pour l'Algérie pendant 130 ans. C'est un village d'Algérie, un village de France. Les cloches tintent, l'église se vide, et lentement la petite foule dans ses beaux habits se disperse en bavardant. Vous voyez, c'est un dimanche comme partout ailleurs. Et même cette femme qui s'en va, un bouquet dans la main. Et même ce chemin qui ne peut aller qu'au cimetière. Et même ce cimetière. Les anciens l'ont placé sur une légère éminence, peut-être pour que les morts puissent toujours regarder du côté du village, reconnaître la maison qu'ils ont bâtie, suivre jour par jour l'accomplissement du destin qu'ils lui avaient tracé avec leurs bras, avec leurs ambitions, avec leur volonté, avec leur peine et leur courage. Car ils ont tout donné à cette terre, et même mort encore quelque chose. Alentour de ce village qui vivait pratiquement au néolithique, il y avait des villes qui s'appelaient Strasbourg, je ne sais pas, à 60, 50 kilomètres. Strasbourg, Chevreuil, Gemappe, Lafayette, Gravelotte, Valdec-Rousseau. Chacun de ces villages avait son kiosque à musique, sa mairie, son église. C'était des petites Frances provinciales, sa salle de casino, son petit cinéma, de la France. Et nous étions comme des îlots comme ça, au milieu, traversés par aucune route, par aucun câble électrique, absolument rien du tout. On était très croyants, on croyait beaucoup. Et on était résignés à notre sort. Et on nous racontait qu'en ville, il y a un autre mode de vie, que les gens vivaient autrement, etc., qu'ils mangeaient à leur faim. Mais pour nous, c'est un monde inconnu. Hein. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, je me trouverais en face de vous. Hein. Après la Première Guerre mondiale, de plus en plus de colons quittent les campagnes. Ils laissent à des gérants la charge de leurs exploitations agricoles et se regroupent dans des petites agglomérations ou dans les grandes villes d'Algérie. Dans un même temps, un nombre de plus en plus grand d'hommes algériens part travailler en France métropolitaine, le plus souvent sur des chantiers, dans les usines ou dans les mines. Dans ma jeunesse, j'ai eu un parcours un peu particulier. Je suis né en Kabylie, Morand Zegar, en 1938. Et puis, comme mon père est parti en tant que travailleur émigré en France, j'ai dû vivre à Boufarik, chez mes grands-parents maternels. Boufarik est une ville de type colonial, avec des belles constructions, de très belles villas, de très beaux champs d'orangers, et de jasmin et de roses. Et c'est là où j'étais à l'école primaire. Mon père, je pense, il est revenu de l'immigration avec l'idée que l'instruction, c'était quelque chose d'important. Et je crois que ça, il l'a découvert dans l'immigration. Parce qu'il voulait toujours que je sois le premier ou le deuxième de la classe. Et il espérait même, son ambition, c'est que je devienne avocat. Il a travaillé à l'usine, tout simplement. Il a travaillé à l'usine ouvrier, il n'était pas du tout qualifié, hein, même s'il est devenu ensuite qualifié. Alors il est venu avec l'idée de faire de moi quelqu'un. Il a découvert que l'instruction était quelque chose de très important. Et donc il a fait le maximum pour que je continue à l'école jusqu'au certificat d'études. Mon père était caïd. c'est-à-dire un petit fonctionnaire colonial. Bachir Hadjadj, né à Aïn Touta en 1937. Lui, il avait fait la guerre 14-18, et donc c'est à cause de cette guerre dont il est revenu avec la médaille militaire et la croix de guerre, et puis un grand blessé, une gueule cassée. Donc, il avait été nommé caïd, c'est-à-dire un serviteur de l'administration coloniale. Donc, il était à la tête d'un douar. Mon père est de masse extraction. Ma mère aussi, analphabète. Ma mère était analphabète. C'était des paysans pauvres. Mon père a toujours voulu nous emmener à l'école. Donc, c'est ça que ça veut dire pour nous. Le fait que mon père ait été caïd a fait que nous avons été à l'école. Vous savez que les écoles étaient très rares en Algérie. Il y avait quand même 81% d'analphabètes. Donc, ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc, j'étais à l'école, dans l'école primaire, qui était l'école où il y avait des petits Français avec nous, des fils de colons. Bon, on n'était pas majoritaire. On n'était pas majoritaire, quoique dans le pays, nous l'étions. On était sur une classe de 30, entre 30 et 35. C'était des grandes classes. On était peut-être 5 ou 6 Algériens. Il y avait deux tiers, c'était des Européens, hein, des enfants de colons ou de travailleurs ou de fonctionnaires, enfin bon, Européens. En plus, les garçons, tous ne venaient pas à l'école, parce qu'imaginons, entre deux villages de 3000, 4000 habitants, on était entre 40 et 45. Ça veut dire qu'il y avait une scolarisation de l'ordre de 8%, qu'on a retrouvé d'ailleurs après l'indépendance. C'est pas le fait du hasard si 90% des Algériens avant la guerre et après l'indépendance étaient analphabètes. De mon souvenir, de ma mémoire, à l'école, il n'y avait aucune discrimination entre Français et Algériens. Aucune. Mon maître y tenait absolument et je n'ai pas, pourtant, un enfant, c'est très sensible. Dans la cour de l'école, en enfance, il y avait beaucoup d'amitié. On ne faisait pas de différence. On ne faisait pas de différence. Par contre, dès qu'on sortait de l'école, on était happé, chacun par les siens. Il y avait quelquefois des petites rencontres comme ça. J'allais chez un ami parce qu'on avait un devoir ensemble, à faire ensemble ou un truc comme ça. Mais ça demeurait quand même très distant. Chacun était happé par sa société. C'était la norme. C'était la norme. D'un côté, il y avait les habitations des Arabes. Comme ça, on se retrouvait comme ça. Et puis, de l'autre côté, les habitations, les villas, qui étaient plus cossues quand même, les villas des colons. Bon, c'était le bourg colonial classique, c'est-à-dire une route, ou deux qui se croisaient. Au milieu, il y a la mairie, il y a l'école un peu plus loin, il y a l'église, un petit peu, la mosquée plus loin, et puis... Je me rappelle de ce monument aux morts et de un square avec un petit endroit où il y avait des joueurs de boules. C'est surtout des colons, les Arabes ne venaient pas parce qu'il y avait une association, une amicale. Ils avaient un bar, ils se retrouvaient entre eux, ils jouaient aux boules. C'est pas bon. Nous, on regardait jouer aux boules, mais nous n'y participions pas. Et les Arabes ne participaient pas à ce jeu des colons. Ils étaient ensemble. Bon. En son maître, quand j'étais gamin, je parlais trois langues. Parce que quand j'étais chez moi, je parlais kabyle. Ensuite, quand je sors dans la rue, dans le quartier, je parlais l'arabe. Enfin, l'arabe, l'algérien, hein, l'arabe dialectal. Ensuite, je rentre à l'école, c'est le français. Il faut que je laisse les deux langues à l'entrée, que je ne parle qu'au français, parce qu'il nous était interdit de parler une autre langue que le français à l'école. Voilà, donc on était dans une espèce de on sautait d'une langue à l'autre... Et ça devient la langue, on fait ça, dans une seule phrase, on est capable de dire, de parler les trois langues. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, l'Ekenmechi comme l'Algérie, comme elle est belle, on a pas fait la belle, et une n'est pas une main, une scène, Alger, Alger. حالنا قبها كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلانش قلبي plein de tristesse ما ينساكش en revanche Où es-tu place du gouvernement? Mes parents étaient très stricts. D'abord, ils voulaient que je sois comme une petite française, comme ils disaient à l'époque. On ne disait pas européenne, on disait une petite française. Lalia Duco-Helal, née à Cherchel en 1941. Ma mère et mon père tenaient à ce que nous ne sortions pas de la maison, c'était maison, école, école, maison, ou les grands-parents, sans plus, nous ne fréquentions personne. Pas même les indigènes de Cherchel. Quand je parlais, il fallait pas rouler les airs. Il fallait être toujours très correct. Et j'étais subjuguée. Quand il y avait la communion, j'étais subjuguée par ces jeunes filles avec leur aube blanche et les parents endimanchés, etc. C'était pour moi, c'était un film, c'était merveilleux, c'était un conte de fées pour moi, bien sûr, inaccessible. Ce qui me frappait, là où je me suis rendu compte qu'on n'était pas pareil, dans un même monde, je n'avais qu'une copine, parce qu'elle habitait du côté au-dessus de la maison, au-dessus de notre quartier, et on faisait le chemin ensemble. On discutait, mais bon, on ne m'avait jamais invité chez elle. Puis moi, il ne me venait pas à l'idée non plus de l'inviter dans ma maison. Je n'ai pas subi vraiment de racisme, non, parce que tout le monde me voyait comme une petite française. J'étais bien habillée, j'allais à l'école, je portais pas de voile. On a eu une institutrice française qui arrivait de France. Et on s'était dit, elle était très sympa pour nous. Elle avait une attitude qui changeait par rapport à l'instituteur, Monsieur Wedni. Il s'appelait un Algérien qui nous frappait. Et elle ne nous a jamais frappés. Et donc, on était admiratifs, si vous voulez. Et avec un copain, on est allé cueillir des roses. On voulait lui faire un cadeau, un bouquet de fleurs de roses. Et alors, comme dans ces villas des colons, il y avait des roses qui débordaient toujours sur la rue. Alors, on est allé les cueillir. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un nous prend par derrière, moi et le copain en question. Il nous prend les têtes. Et il nous dit « Ah, c'est toujours comme ça, vous êtes toujours des voleurs. » Et il nous tape nos deux têtes, il les cogne l'une contre l'autre. Et c'est la première fois où j'ai reçu des coups, où j'ai vu des étoiles. Ce qui était frappant, c'est que... enfin, ce qui m'a frappé personnellement, mais je pense que je suis pas le seul, c'est que... C'est ce programme de l'école coloniale, de l'école française, qui ignorait totalement l'histoire algérienne, notre identité, notre histoire, etc. Et je me souviens, par exemple, que on a, à partir de l'école, on voit clairement ce qu'on appelle l'Atlas Blidéen, une montagne qu'on voit de l'école, mais on ne savait pas que ça s'appelait l'Atlas Blidéen. L'instit à l'école nous apprenait que le Mont Blanc est le mont le plus élevé. On connaissait le Mont Blanc, mais pas le point culminant des montagnes de France, c'est le Mont Blanc. Par contre, on ne sait même pas nommer la montagne qu'on voit de l'école. Et ça, c'était pareil pour tout le reste, c'est-à-dire... pour tout le programme, où on n'existait pas. Et puis le camp, c'est qu'on en avait conscience, pour nous apprendre à écrire deux ou trois mots d'arabe, deux ou trois lettres de l'alphabet, parce que c'était interdit. Donc il fallait qu'ils postent des élèves, dans le cas où le directeur viendrait, ou quelqu'un, parce que c'était interdit. Donc on a très vite compris que c'était un grand acte de résistance. Ils prenaient des risques terribles, rien que pour nous montrer que on a beau prendre des cours en français dans une école française, etc. Non, on ne l'était pas. Et il prenait ce risque-là. Et c'était un acte de résistance. C'était un sentiment presque schizophrénique. Hein, parce que d'un côté, on savait que c'était pas nous, que ça n'avait rien à voir avec nous, qu'on est en train de nous imposer quelque chose. Et de l'autre, le programme, il y a des choses auxquelles on s'est attaché. Par exemple, on a appris les poèmes de Victor Hugo. Je me souviens que quand on récitait Le Semeur, on avait l'impression que ça pouvait être... un personnage de chez nous, quoi, c'est le moment crépusculaire, j'admire assis sous un portail, ce reste de jour dans ses clairs, la dernière heure du travail, toute cette description comme ça qu'on arrivait à voir, ça pouvait être, même si c'était dans une langue qui n'était pas la nôtre. Voilà, donc il y avait une espèce de sentiment d'inconfort comme ça, de profond inconfort. Et puis il y avait aussi la question des ancêtres, les Gaulois. Nos parents n'avaient pas de livres, puisqu'ils étaient analphabètes. Ensuite, ces ancêtres, les ancêtres dont nous parlaient les parents, et jamais ils n'utilisent le terme gaulois ou autre, ou européen, de façon générale. Nos ancêtres se situent sur un autre plan. C'est un autre monde. Ils parleraient plus des ancêtres berbères, de la Kabylie, ou des pharaons à la limite, ou des batailles d'autrefois, mais pas ces termes, ce vocabulaire. Donc ce vocabulaire était tout nouveau pour nous, à l'école, et français. Et donc, au fond, culturellement, ça ne passait pas bien, même si je pense qu'on voulait apprendre le français. Et sur le plan culturel, il y a un hiatus ou même une limite. Et mon père se faisait un malin plaisir, c'était un peu sa fierté d'apporter le journal. Je me rappelle à l'époque Algérie Républicain ou le journal nationaliste qui était vendu. Et il me dit de lire. Et il me faisait lire le soir au feu de bois, vous savez, dans la maison. Et il avait des copains du village. Ils étaient tous analphabètes. Et comme les soirées l'hiver sont longues, donc je lisais. Et c'est comme ça que j'ai découvert la politique à travers mon devoir de lecture, en quelque sorte, pour ceux qui ne savaient pas lire, mais qui, eux, comprenaient le sens des mots, parce qu'ils discutaient entre eux, parce qu'ils avaient des échanges, parce que, bon, c'était des adultes. Hein, donc, c'était mes premiers pas en politique, qui m'ont servi d'ailleurs plus tard. Depuis les années 20, l'idée d'une identité algérienne s'est répandue en grande partie grâce au réseau d'écoles et d'activités culturelles de l'Association des Oulémas. Ces réformateurs musulmans affirmaient haut et fort « L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre pays ». Il y a eu la création, par exemple, de Médessa Libre. Kamel Warti, né à Guelma en 1938. Financé par des gens de Guelma, des notables, qui ont financé une Médessa. Et donc on faisait aussi des cours d'arabe, après de 5 à 7, de 5 heures à 7 heures. Et c'était des cours de... pas seulement d'arabe, c'était des cours de nationalisme. Le courant le plus fort à Guelma, c'était le MTLD. C'est Messali à l'époque. À partir de 47-48, c'est 90%, c'était Guelma, c'était Messali. MTLD. Et les militants que j'ai connus personnellement, c'était l'école du MTLD. Pour le nationalisme. L'école nationaliste, c'est le MTLD. Parce que j'avais un peu étudié et appris le Coran, j'étais un peu formé, j'avais quelques connaissances. Et puis il y avait un groupe qui m'encourageait à étudier et qui me disait tout le temps, faut qu'on aille étudier. Et un jour, j'ai accompagné mon père à son travail. J'ai discuté avec son ami, Chaouch Smaïn. Alors, on plaisantait. Moi, j'étais jeune, un gamin, 18 ans. Donc, j'ai pas compris au début quand Chaouch m'a dit « On va te confier une mission, ton père et moi. » Je lui ai répondu « Oui. » Il m'a dit « On va faire de toi notre secrétaire. » Je devais leur noter par écrit les noms des gens qui cotisaient à leur organisation, à leur mouvement. On me donnait les noms, j'établissais des listes que je transmettais à Chaouch Smaïn et à mon père, parce que mon père était également membre de cette organisation. C'est là qu'on commençait à comprendre la colonisation. On était d'abord un peu quand même éveillés, on nous parlait des événements de 1945. Vous voyez, nous étions encore à l'école, mais ils nous parlaient des massacres de 1945. On savait que les Français, c'était nos ennemis, qu'on le veuille ou pas. Les colons également. Mais est-ce qu'on avait un choix? Vous voulez, je devais de vivre avec eux. On n'avait pas. Mais, à l'époque, déjà, on le savait, on apprenait des chants patriotiques. On parlait à l'époque, Fidel Jazeria, Midji Berina, on chantait également en Kabyle. Nous connaissions les Mzine, le Zahir, Tamouth, le Rhin, le Mouratid, la Trousine, ou Gahna Koubet, Achel, le Mouth, ou l'Addel. Vous voyez, on préférait la mort que l'humiliation. Voilà. C'est ce que nous apprenions. Nos jeunes, à l'époque, déjà, commençaient un petit peu à nous préparer pour l'éveil. Voilà. On nous apprenait des chants de l'Hajj Messali. Par exemple, voici venu El-Hajj Messali qui dit « Suivez-nous, nos frères, je vous accompagne en Algérie. Aucun Français ne nous gouvernera. » Il nous apprenait aussi ce chant-là. « Réveillez-vous, inconscients, sortez de votre sommeil. Cette année est finie l'ère des caïds qui règnent sans justice. Ce sont eux les traîtres. » On chantait pour la population. Nous étions des groupes d'élèves. La conscience politique commençait à se diffuser. حنا الموت والشهودة ولا نعيش باستقلال الشيوب الشيوب بركاك اليوم الخصام أقيموا واشرحوا في العامة الثقة وانا بكم أم الجهة نحيو الشوبان اليوم المستقبل لينا بينا نحيو الوطن تعيشوا بالكرامة. Ali Guessoum, né à Mefta en 1940. Ce professeur était très engagé, il n'était pas là pour le Coran. Je me rappelle qu'il n'y avait que le jeudi où on étudiait le Coran pendant une demi-heure. Il nous disait « Apprenez à la maison, ne me faites pas perdre mon temps ». Il est très volontaire. En 1953, il est allé vers le tableau sur l'estrade et il a écrit la phrase « Le peuple algérien est musulman et à l'arabité il appartient ». Et puis il a continué à écrire et quand il est arrivé au passage « Tu es notre espoir et avec toi le matin se rapproche, prends la vie avec son arme et engage-toi dans le discours », et puis la phrase « Si je meurs, mon dernier cri sera « Vive l'Algérie » » il s'est mis à pleurer. C'est dur de voir un professeur pleurer comme ça. On allait tous arrêter. Il nous a dit, Ben Badis m'a fait faire un serment, il m'a dit, dis à tous tes élèves, si jamais l'Algérie devenait indépendante, qu'il fallait aller à mon cercueil pour me le dire. Et il m'a dit, je vous entendrai si Dieu le veut. Il s'est lavé la figure et il est parti. Il a tellement pleuré, il était très engagé, il enseignait surtout la politique. وخذ الخطوبة ولا تهم. عندما كبرت في عمري واحد 10 11 سنه تخرجت في الكشافه الاسلاميه وبقينا نمارسوا في الكشافه الاسلاميه. Quand j'ai eu 10 11 ans, j'ai adhéré au scout musulman et j'y suis resté jusqu'au début de la révolution. يعني الشيء اللي كانوا يوضحوهن قريونا فيه في الكشافه الاسلاميه يعني لقيناه سلاح للثوره. Ce qu'on nous a appris chez les scouts musulmans, ça a été des armes pour la guerre. Ils nous enseignaient la politique. On chantait et tout, et on y allait. Je me rappelle les réunions, c'était tous les lundis ou les jeudis et la nuit. C'est-à-dire que ces réunions, on les faisait les lundis et à chaque fois à un endroit différent. Par exemple, un lundi, on faisait la réunion à tel endroit, après on allait à un autre endroit pour ne pas se faire prendre par les Français. La priorité, c'était le secret. On nous parlait de secret et d'honnêteté. C'est ce que nous enseignaient nos guides scouts, c'est-à-dire le secret. Ne rien révéler ni à ton frère, ni à ton père. Et l'honnêteté et la confiance. Si quelqu'un te confie une mission, tu dois l'accomplir, c'est ça le principal. Tu ne te fies qu'à ton groupe. On savait où on était, qui on était, quoi, et pourquoi on se battait. On a très vite intégré qu'on est en situation coloniale et qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, c'est de se battre, quoi, voilà, de toutes les manières possibles, politiquement, par l'instruction, par... J'ai commencé très jeune. La première des choses, on commence à recruter et à faire comprendre aux jeunes Algériens qui étaient avec nous à l'école ou ailleurs, voilà. Nous, dans le PPA, on essaie de convaincre ces jeunes Algériens, ces jeunes familles, que l'Algérie, c'est à nous. L'Algérie, on doit s'unir pour la libérer. On doit mettre la main, on doit s'entraider, etc. J'activais, on écrivait sur les routes, sur les ponts, sur les édifices. Vive l'Algérie indépendante. L'Algérie libre vaincra. Libérez Misali Hadj. Libérez les détenus politiques. Ça, c'est notre travail en tant que jeune. Et je vendais un journal du parti qui s'appelle l'Algérie libre. On le vendait pour, tout d'abord pour que les gens connaissent la position du PPA, la lutte que mène le PPA et son président Misail Hadj. On écrivait « Vive l'Algérie indépendante ». Libérer Misali Hadj en ce temps-là, libérer les détenus politiques, abat le colonialisme, on faisait un tas de choses pour marquer l'esprit du peuple algérien et du colonialisme. On distribuait des tickets, ce qu'il y a marqué aide aux détenus politiques, qui valait 20 centimes pour aider les détenus politiques. Et en même temps, on leur fait comprendre. C'est quoi les détenus politiques? C'est des militants qu'ils ont lutté ou réclamé l'indépendance de l'Algérie, le colonialisme les a emprisonnés. Et on distribue des tracts du parti qui expliquent au peuple on doit lutter, on doit s'organiser pour arracher nos droits et notre indépendance. En Kabylie, avant le déclenchement de 1954, on savait quelqu'un comme Krim Belkacem, qui est devenu un dirigeant éminent de la lutte armée, il y avait des maquisards. Et alors, on les appelait pas tout à fait des maquisards. C'était des personnes, en quelque sorte, politiques, qui étaient recherchées par la police et qui sont entrées en clandestinité. Et donc, ils vivaient comme ça. Je sais même qu'au marché des Agribes, par exemple, la tradition, c'est qu'il avait toujours un fusil de chasse scié sous la Cachabia. On parlait d'une vingtaine, d'une trentaine à l'époque. Les adultes parlaient. Par exemple, ils disaient tout simplement « Ah, ils sont passés tel jour. » Alors, qui est passé? On ne sait pas qui. mais c'était connu. Mais sans les connaître non plus, ils ne savent pas où ils étaient organisés, ils ne savent pas s'ils allaient dans tel village ou tel autre, ils savent qu'ils sont capables de passer à tel ou tel moment. Ils savaient qu'il y avait des maquisards, mais qui n'étaient pas encore le FLN. Le 1er novembre 1954, c'est un soulèvement parfaitement coordonné qui éclate sur tout le territoire algérien. Il prend la forme d'assassinats, d'actes de sabotage, d'explosions. Des attentats qui, partout, ciblent la présence française et ses représentants en Algérie. Les autorités coloniales n'ont rien vu venir. Et personne ne sait alors que vient de débuter un conflit à long terme. Une guerre éprouvante qui va accompagner tous nos témoins dans leur passage à l'âge adulte. L'Algérie coloniale, un documentaire de Raphaël Lewandowski, réalisé par Rafik Zénine. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier.